Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1998, Christine Goémé consacrait 5 entretiens de À voix nue au psychanalyste Jacques Assoun. Dans le dernier d'entre eux, sous-titré « La psychanalyse », Jacques Assoun revenait sur sa rencontre avec la psychanalyse, sur le moment où il s'autorisa à devenir analyste. Il évoquait aussi ses années de travail à la protection maternelle et infantile en Seine-Saint-Denis. Dans la deuxième partie de cet entretien, il énonçait comment la haine, sujet du livre qu'il avait fait paraître peu auparavant, s'articulait selon lui à la passion et à la mélancolie. On a cessé d'évoquer votre métier de biais dans cette série d'entretiens, mais enfin, sans en parler vraiment, Jacques Assoun. Alors, vous êtes psychanalyste. Ça veut dire qu'à un moment de votre parcours, de votre vie, vous avez rencontré des textes, des paroles, des gens qui ont gravé en vous quelque chose de vital, d'incontournable, la marque même d'un choix d'existence. Alors, je rappelle que vous êtes né en Égypte en 1936, vous arrivez à Montpellier puis à Paris après la guerre, vous faites des études de médecine, vous êtes militant politique, et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en effet la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. Voilà ce qui se passe. Qui est le parapluie, qui est la machine à coudre, et où se trouve la table de dissection? Il se passe tout simplement qu'il s'est imposé à moi, au détour d'une analyse, celle qu'on appelle personnelle, d'une analyse tout simplement, hein, il s'est imposé à moi cette question qui est toujours présente, qui n'a jamais été entièrement épuisée. C'est la question de s'autoriser à être analyste. Voilà. Et qui peu à peu, je dirais, s'est imposé à moi. Autour des années 66, 67, 68, date à laquelle je pense pouvoir m'autoriser à devenir, à être, à occuper ce lieu de l'analyste. Et bon, depuis 70, c'est pratiquement ma seule activité. Mais alors là, vous prenez la... Je prends par le petit bout de la lorgnette. Vous prenez par la fin, surtout. La première rencontre avec la psychanalyse, ça a été un hasard? Ça a été quoi? Ça a été... Ma première rencontre avec la psychanalyse... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? C'était un livre? C'était des gens? C'était des gens, plus qu'un livre. C'était un livre, j'avais lu... je crois, je suis même sûr, Totem et Tabou, en classe de philo. À 15 ans, j'avais trouvé Totem et Tabou et je le lisais en classe parce que mon professeur de philo était un bergsonien et ça le mettait dans des rages folles. Le brave homme, il s'appelait Edgar Forti, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'émotion, la volonté, le courage ». qui est paru au PUF il y a extrêmement longtemps, et nous étions un ou deux en classe à lire Freud, je crois plus pour l'agacer qu'autre chose. Mais nous sentions probablement que si ça pouvait l'agacer, nous étions à Alexandrie, hein, en 1952-53, c'est vieux comme... Hein, et bon, je pense que si ça l'agaçait, c'est que nous reconnaissions, et si nous aimions l'agacer sur ce point-là, c'est que nous reconnaissions quand même qu'il y avait un certain Sigmund Freud qui avait énoncé un certain nombre d'idées dans lesquelles nous nous reconnaissions. Et puis vous savez très bien que c'était l'époque où les staliniens haïssaient Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils aient cessé de haïr la psychanalyse. Elle était interdite, tout simplement, hein, science bourgeoise. Et donc tout ça s'est resté comme ça en arrière-plan. Et c'est plus tard, bien plus tard, que donc au début des années 60, fin des années 50, début des années 60, que je redécouvre la psychanalyse. C'est-à-dire Freud. C'est-à-dire Freud essentiellement. Lacan, juste pour la petite histoire, la première fois où je rencontre Lacan, j'étais avec Guattari. Nous n'étions pas du tout rencontrés pour parler de psychanalyse, mais pour parler de la fin de la guerre d'Algérie et de la conférence que devait faire Boudiaf aux militants qui s'étaient opposés à la guerre d'Algérie. Il m'avait dit, viens écouter, c'était en 62-63. Il dit, viens écouter, un personnage étonnant. Et il m'a emmené à Sainte-Anne, dans une salle où il y avait à peine une trentaine de personnes. Et il y avait à la tribune un certain Jacques Lacan. Et ce qui m'avait complètement fasciné, je n'y avais pratiquement rien compris. Mais c'est tout à coup cette langue que j'entendais comme une langue du surréalisme ou issue du surréalisme qui m'avait fasciné. Si on pouvait entendre la psychanalyse de cette manière, alors elle était subversive, alors ce n'était pas simplement une application bête et stupide d'un certain nombre d'éléments infraconceptuels sur le sujet, ce n'était pas une science, entre guillemets, qui pouvait être... dans l'ordre du comportement, thalisme par exemple, mais il y avait une rupture. Et alors là, quelque chose peu à peu s'est imposé à moi. Pour entendre l'inconscient, on ne pouvait pas ne pas passer par cette rupture même dans la langue. Voilà. Et j'ai très vite oublié, c'était des réflexions qui étaient extrêmement obscures. Et puis, 2 ou 3 ans après, c'est vraiment du côté de Lacan que la question de la psychanalyse s'est imposée. Alors, ça va assez vite après, hein, puisque vous serez ensuite membre de l'école freudienne. Assez tardivement. Payer très cher mes engagements politiques. Ah oui. Enfin, une des personnes, j'ai mis des années à savoir qui c'est, j'ai fini par le savoir en 81. Grâce à Madame Irène Roubleff, la regrettée Irène Roubleff, mais il y avait une personne qui paraît-il, opposait son veto absolu sous prétexte que j'avais été trotskiste. Ah ah. Mais vous avez participé, par exemple, évidemment, à la publication de SIC. Vous avez été d'ailleurs co-directeur de publication de la revue SIC. Oui, puis j'ai écrit dans toutes les lettres, tous les numéros de lettres de l'école. Bien sûr. À partir de 72. Vous avez même enseigné la psychanalyse. Vous êtes allé au charbon aussi, comme on dit. Hein. Vous avez travaillé en Seine-Saint-Denis à la protection maternelle et infantile. Vous avez été médecin directeur au centre médico-psychopédagogique d'Aubervilliers. Enfin, vous avez vraiment fait ce qu'on appelle du terrain, terrain dur, quoi. Mmh. Oui, absolument. Mais je crois qu'il faudrait relever quand même cette histoire absolument étonnante de la PMI. Protection maternelle et infantile, oui. C'est Madame de Chambrun, qui je veux absolument rendre honneur. C'est Madame de Chambrun, donc, qui était directrice de la PMI, et qui vient un jour, qui débarque chez moi un jour en me disant, je cherche un psychanalyste, je cherche quelqu'un qui a une culture politique, eh bien, écoutez, vous allez vous occuper de cette équipe de psychologues que j'essaye de monter, ou de lui donner une certaine consistance en Seine-Saint-Denis. Et ça a été vraiment la première équipe. Il y avait bien des petites choses à droite, à gauche. J'avais déjà travaillé dans les crèches de la Seine-Saint-Denis dès 66. Mais les choses ont pris forme d'une manière absolument folle en 68. Et c'était vraiment la première expérience sous cette forme. Hein. C'est que véritablement une masse de psychologues se sont abattus sur l'ensemble de la Seine-Saint-Denis. Et pour moi, il était clair que il était hors de question que je rencontre un enfant, que je psychologise ce qui pouvait se passer chez un enfant et encore moins lui appliquer des catégories analytiques. Il s'agissait de travailler, de faire des réunions avec les auxiliaires de puériculture et les directrices de crèche. Intéressant, non ? Hein ? Absolument passionnant. Ça a été une période absolument passionnante avec une psychologue. À chaque fois, je dis une parce que, à une exception près, c'était toutes des dames psychologues. Et nous avons travaillé vraiment d'une manière absolument intense jusqu'à 6 heures, 8 heures par jour dans certains cas, 5, parfois 6 jours par semaine, de 68 à 73, 74. Et vous lisiez, je sais pas moi, les travaux de Spitz à cette époque, par exemple, et puis les analystes pour enfants, Melanie Klein et tous ces gens. Oui, absolument. Vous avez dû là vraiment prendre un contact très vif avec la psychanalyse. Oui, Dolto. Infantile. Dolto, faut pas oublier Dolto. Il faut pas oublier Dolto. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut, alors ça c'est une question que je pose en toute naïveté, est-ce qu'on peut être un psychanalyste d'adulte sans être passé justement par cette connaissance vive de l'enfance, de la petite enfance? Oui, à condition de considérer que la psychanalyse d'enfant est beaucoup plus difficile, contrairement à ce qu'on imagine, que la psychanalyse d'adulte. Ça, c'est évident. Et que d'autre part, la psychanalyse d'enfant est spécifique, hein, obéit à des règles spécifiques. L'enfant n'est pas un petit adulte, hein. Et que donc, il y a à penser un tout petit peu différemment ce qui se joue pour un enfant. Bon, en fait, très rapidement proposé, énoncé, mais il est évident que je crois que tout ce que je sais vient de là, ou en tout cas en grande partie de là. Oui. Hein ? Ça éclaire certainement, oui, l'écoute, absolument. Ça l'ouvre. Ça ouvre complètement une pensée sur la psychanalyse. Alors, vous êtes intéressé depuis longtemps, hein, à la question des passions, notamment à la haine, à la mélancolie, au meurtre. Toutes ces questions qui sont évidemment au cœur même de la psychanalyse. Mmh. Alors, vous avez écrit, par exemple, des choses sur... vous avez écrit un livre sur la cruauté mélancolique. Il y a eu une mode, quand même, chez les analystes de la mélancolie. Enfin, beaucoup d'analystes ont écrit et travaillé sur la mélancolie. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est l'époque qui se prête à s'interroger très singulièrement sur la mélancolie ? Écoutez, je vais vous avouer quelque chose que j'essaierai de formuler de la manière la moins désagréable possible. Allez-y. En fait, le point de départ de cette recherche fut la passion. C'est un séminaire au Cercle Freudien, bon, sur la passion. Et un séminaire qui a duré de nombreuses années et qui a été édité presque par hasard, qui a été ensuite réédité, etc., mais qui a été presque édité par hasard aux éditions Aubier. Bien. Et ensuite, étrangement, la question de la mélancolie s'est imposée à moi comme envers de la passion. Hein? À l'époque où j'avais commencé à travailler sur cette question, c'est vrai que il y avait peu d'analystes qui s'occupaient de la question de la mélancolie. C'est un peu plus tard que ça a commencé. Que ça, oui, a commencé. Mais bon, enfin, nous étions à peu près tous contemporains. On savait bien quand il y a une idée en l'air. Oui. Hein, toutes les autres suivent le mouvement. Alors, la question du désagréable n'est donc pas là. La question du désagréable est très précisément dans... est-ce que la question de la mélancolie peut relever... d'un parcours à proprement parler individuel, ou est-ce que une position subjective mélancolique reflète ou non une société qui a perdu toutes ses illusions, hein? Est-ce que vous voudriez par là dire, Jacques Assoun, qu'au fond, notre époque, telle qu'elle se présente aujourd'hui, fabriquerait des mélancoliques? Est-ce que c'est une hypothèse envisageable? Absolument, c'est la nouvelle forme que prend le nouveau malaise. Je dirais que il y aurait la passion d'un côté, l'horreur de l'autre, hein, la haine de l'autre, mais le lieu commun des deux, c'est véritablement une position mélancolique qui traverse le social, faute de quoi? Ben, il me semble faute d'idéalité, faute d'idéalisation. Je crois que évoquer la question de l'avenir d'une illusion ne veut pas dire que l'illusion doit être complètement pensée comme impossible. On peut pas renvoyer l'illusion du côté d'un réel impossible. Hein. L'illusion traverse l'histoire. Le tout est de travailler l'illusion. En prétendant qu'il n'y avait plus d'illusion, hein, ce qu'on a fabriqué, c'est une impossibilité de lutter contre l'illusion. En d'autres termes, la notion de lutte et d'illusion serait étroitement articulée, hein, et qu'on ne peut cesser de faire fonctionner l'un et l'autre. Or là, justement, on vient nous chanter, hein, il n'y a plus d'illusion possible. Il n'y a plus d'illusion possible. Les choses sont claires, les choses sont simples, les choses sont nettes. Sortez de vos momeries. Ça ne marche pas. Ça ne marche littéralement pas parce qu'une autre illusion bien plus terrible vient prendre la place. C'est la haine dont le support est véritablement la position mélancolique. Hein, l'engloutissement, je dirais même, mélancolique. Oui. Effectivement, la mélancolie, c'est une manière de traiter, évidemment, avec la haine et de soi et des autres, enfin. C'est-à-dire que, tout simplement, si on considère qu'il n'y a plus d'opposition, qu'il n'y a plus de tension, que le sujet est un sujet dépourvu de tension, ce qui est impossible. Bon. Donc on sort à de l'impossible. Et on laisse la libre cours à qui? On laisse la place à qui? Et ben, tout simplement aux gens qui disent « Mais il y a de la haine, bien sûr qu'il y a de la haine. Mmh. » Hein? Donc vous voyez des milliers, sinon des millions de gens, ou des centaines de milliers de gens, se reconnaître chez ce qui semble tenir un discours de vérité qui énonce « Il y a de la haine ». Ce qui est un discours de vérité, par ailleurs. Ce qui est un discours de vérité. Mais toute la question est de savoir de comment traiter de ce discours de vérité. Voilà. Hein? Bon, c'est dire il y a de la haine, il s'agit d'entendre comment la faire fonctionner, quels sont les points où nous pouvons nous reconnaître compris dans ce discours, qu'est-ce qui est au principe de ce discours, etc. Bon, comment ça traverse la société? Bon, d'une part. Donc, travailler la question est une chose. Le prendre comme un constat naturel, entre guillemets, en est une autre. Quand vous dites, Jacques Assoun, que ça a partie prenante avec le politique, on peut aussi, par exemple, se dire que d'un côté, par exemple, aujourd'hui, dans le contexte politique, ou dans l'absence de politique européenne, plutôt, une espèce de marché européen, l'Europe qui s'ouvre, la dissolution des identités nationales, etc. Il y a effectivement un affaissement comme ça, identitaire, qui se donne à entendre et qui fait qu'il y a une espèce de flou assez étrange. Et puis de l'autre côté, on voit précisément ressurgir des durcissements nationalistes. On pense à la remontée de l'extrême droite dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, par exemple. Hein. Ça, c'est la phase maniaque, disons, de la chose. Bon, est-ce que là, la psychanalyse n'aurait précisément pas son mot à dire sur ce malaise dans la civilisation, à savoir qu'il y a là quelque chose de non dit, de caché, de non pensé, qui doit l'être absolument si on veut effectivement éviter ou bien cet affaissement ou bien ce durcissement. Oui, absolument. Et d'autant plus, soyons clairs, quelqu'un comme Freud, par exemple, dans la lettre à Albert Einstein. Eh oui. Hein, par exemple, ou dans son texte Nous et la mort, qui date de 1915, sans compter bien d'autres textes, mais je prends ces deux-là en exemple. Freud ne s'est pas interdit de parler du politique et a travaillé ces questions d'une manière extrêmement serrée, puisqu'il a posé même la question de la démocratie, hein, d'une manière très violente. Il a posé la question de la culture, mais là, il a posé la question, par exemple, de la Société des Nations. Freud a pris des positions extrêmement claires là-dessus. Bien sûr. Il faut armer la Société des Nations. C'était étonnant dans la lettre à Albert Einstein. Donc je veux dire que les psychanalystes qui disent ce n'est pas analytique d'eux, bon, simplement le tout est de ne pas considérer que les psychanalystes ont plus que quelque chose à dire. Je ne voudrais pas qu'on se quitte, Jacques Hassoun, sans parler de votre dernier livre, parce qu'il porte un titre au fond assez étrange. Ça s'appelle « L'obscur objet de la haine ». Alors est-ce que c'est la haine qui obscurcit l'objet? Est-ce que l'objet de la haine est obscur? Qu'est-ce qui est obscur dans cette affaire de haine, au fond? Vous connaissez Buñuel. Évidemment, ce titre fait référence c'est à Buñuel. C'est l'obscur objet du désir. L'obscur objet du désir, évidemment. Alors, en fin de compte, si on partait de là, on pourrait peut-être comprendre un peu le titre que j'ai voulu prendre. Rien ne semble plus clair qu'un désir. Et pourtant, nous savons très bien que face à un désir, il y a une série de méandres qui viennent troubler le jeu. Pour moi, l'obscur objet de la haine, renverrait à ceci. La haine est la chose, je l'ai dit, nous l'avons dit tout au long de l'émission d'aujourd'hui, la haine est la chose la mieux partagée du monde. Mais, et je donne l'exemple de Caïn, hein, l'exemple de Caïn et Abel a été donné. Bien, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça devient obscur, mais meurtrier, tant ça peut être obscur, quand la haine n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire faisant partie intimement de l'histoire. Hein. Ce qui est frappant, c'est que chez le sujet, hein, aux prises avec la personne la plus proche, aux prises avec lui-même d'ailleurs. Absolument. Hein, ou dans le social, l'obscur objet est envahissant dans la mesure où il sera constamment énoncé, mais non, ce n'est pas de la haine. Mais bien sûr que ce n'est pas de la haine. C'est tout simplement quelque chose de naturel contre laquelle je proteste. Ce n'est jamais naturel. Mais reconnaître sa haine, c'est très mal vu quand même. Ben, c'est insupportable pour tout le monde. Hein, c'est insupportable pour tout le monde. C'est pour ça que souvent, ça se retourne contre soi, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de... La mélancolie, c'est une des sources de la mélancolie, au fond. La haine se retourne contre soi-même, non? Oui, absolument, absolument. Lorsqu'on considère un peu toute la littérature nazie, oui. Hein, cette nouvelle forme de haine qu'ont introduit les nazis, c'est-à-dire une haine chargée d'une froide passion... Hein, c'est-à-dire ces bureaucrates de la mort tels qu'on les a décrits n'avaient pas une haine passionnée ou passionnelle à l'endroit de leurs victimes, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Ils accomplissaient des ordres. Or il serait intéressant de se poser la question de savoir de quel ordre interne à quel ordre interne obéit la haine? Jacques Hassoun, comment est-ce qu'on pourrait définir alors la haine? Est-ce qu'il y a une définition possible? cette haine terrible, cette haine qui n'est pas négociable dans le social. Ben écoutez, contrairement à ce que généralement il est dit, et ça c'est mon hypothèse et j'y tiens beaucoup, c'est que la haine ne relève pas de l'imaginaire. Hein. Il n'y a pas... La haine relève vraiment, je dirais presque d'un symbolique pur ou d'un réel pur. On ne voit plus, du côté du réel pur, on ne voit plus l'autre que comme cadavre avant même qu'il soit né, ou avant même qu'il soit tué en tout cas. C'est déjà du cadavre que nous allons fabriquer, hein, que celui qui est dans la haine va fabriquer, bien sûr. Et du côté du symbolique, d'un symbolique qui, pour qui l'autre n'a pas d'image possible. Celui qui est l'objet de cette haine n'a même plus d'image. Il n'a même plus d'image, cette forme extrême de la haine. Il n'a plus de contour, il n'a plus de forme. Il n'existe pas, alors. Il n'a pas d'existence. Il n'a plus d'existence autre que comme objet d'un rejet radical. Et c'est ça, je dirais, c'est cela qui constitue la forme la plus dramatisée. Non seulement ça désubjective, mais en plus ça déshumanise. Donc l'objet de la haine, c'est la haine. À l'extrême, l'objet de la haine, c'est la haine. Vous avez parfaitement raison. Le cinquième et dernier volet d'Avoix nues de Jacques Assoun, proposé par Christine Goémé et réalisé par Michel Bossuet, a été diffusé pour la première fois le 27 mars 1998. Je suis à bout, j'ai reçu le coup de grâce, je suis morte sur le coup, j'ai reçu la grâce à mon cou. Vous êtes belle, madame, oui, mais je suis en extrémadure, extrêmement dure. Il a peur de moi, de la lumière qui me voit, mais les camélias ne poussent qu'à l'ombre. Je prends bien la lumière et ça le rend sombre, mon ombre. J'aime l'ombre, je la trouve belle, importante. Il y passe tout ce qui boue sur la joue, la vie même. Les choses justes qui se disent tout bas. Alors pourquoi ne pas aimer ça? Plusieurs faces sur les photos flash. Je suis plusieurs âmes comme tout un chacun. Je suis une flamme et j'aime l'éteint. Moi j'aime l'ombre, je la trouve belle, importante. Il passe tout ce qui boue sur la joue, la vie même. Les choses justes qui se disent tout bas. Alors pourquoi ne pas aimer ça ?